ton lien à toi, t'as toute ta connaissance, t'en fous. Ouais, mais ça marche pas comme ça. L'ego s'en fout jamais de rien. L'ego, lui, quand tu perds quelque chose, il se sent toujours appauvri. Ouais, mais le pseudo qui va avec toi, là, qui comprend que lui, il a tout avantage à suivre le courant. Ça prend. Ça dérange pas de faire de la petite mémoire que ça, d'une expérience mais là, vous faites de la philosophie de conscience. Quand ça va vous rentrer encore, vous allez voir que c'est un autre paye la manche. C'est petit à petit. Moi, si on m'avait dit en 1969 que j'aurais les mémoires que j'ai aujourd'hui, j'aurais freaké net. Pourtant, aujourd'hui, bien, c'est normal, je comprends ça. C'est le temps. Le temps fait toutes sortes de choses. Puis chacun, on est tous différents. Moi, je vous parle de mon expérience pour expliquer le principe de cette transmutation-là. Mais on a toute notre expérience. Surtout, il ne faut pas croire ce que je vous dis, parce qu'on commence à croire ce que je vous dis, mais vous avez fait du sang que je. Donc, il ne faut jamais s'occuper de ce que je vous dis. Vous n'avez pas besoin de vous occuper de ce que je vous dis. Non, il y a une relation avec l'art, la personne. L'art, la fonction sociale. Plus vous êtes vieux, plus c'est difficile. Parce que vous êtes. Quand on vieillit, on est plus. On est plus rigide, on a beaucoup de mémoire. Quand on est plus jeune, c'est plus facile. C'est pour ça que les gens comme moi qui vivent des grandes transformations, mais ils vont nous chercher vers 29-30 ans, dans la fleur de l'âge, là. Bam. Ils ne vont pas nous chercher à 64 ans. Bon. Mais je continue sur le taux vibratoire parce que je veux. Il y a toujours des gens nouveaux qui viennent dans la salle. Puis, je fais une lecture sur le taux vibratoire. Ils disent qu'un taux vibratoire, l'augmentation d'un taux vibratoire, c'est une ingérence des plans dans la conscience de l'homme. C'est une ingérence. Mais c'est une ingérence créative. C'est comme ton grand chum, cite, là, l'ingérence, mais créative. Puis cette ingérence-là permet avec le temps à l'homme de s'auto-définir par rapport à l'invisible. Ça veut dire quoi, ça, s'auto-définir par rapport à l'invisible? Ils disent qu'un homme s'auto-définit par rapport à l'invisible quand il a le pouvoir de prendre le contrôle de sa parole. C'est extraordinaire, ça, le phénomène de prendre le contrôle, d'avoir le... C'est comme si la lumière descend dans l'homme, dans son cerveau, là, puis l'homme, en tant qu'ego, est capable de prendre le contrôle de cette énergie-là. C'est un phénomène extraordinaire parce que c'est seulement à ce moment-là, quand l'homme est capable de prendre le contrôle de sa parole, qu'il est capable à ce moment-là d'édifier la conscience de l'homme, de faire grandir la conscience de l'homme, de mettre l'homme en vibration. Donc les forces mènent l'homme en vibration et l'homme met l'homme en vibration. C'est dans ce sens-là que la conscience, cette conscience universelle, cette conscience évolutionnaire, va permettre à des individus dans le monde qui vont se rencontrer dans différents pays de mettre en vibration l'autre, de mettre en vibration l'autre, de mettre en vibration l'autre, parce que tout ça, ça va se faire sur une base individuelle. Il n'y aura jamais de conscience collective consciente sur la Terre. Si oubliez ça, ça n'existera jamais. Parce que les hommes vont mourir, les hommes conscients vont passer à une conscience moronciale, puis ils ne reviendront plus. Puis il restera toujours sur la terre des êtres inconscients. Ensuite, un être conscient passera au plan moronciel, puis il restera toujours sur la terre des êtres inconscients. Fait qu'il n'y aura jamais sur la terre une humanité consciente. Ça n'existera pas. D'ailleurs, s'il y avait une humanité consciente sur la terre, il n'y aurait aucune raison pour qu'il y ait des hommes sur la terre. Comprenez? Il faut qu'il y ait des hommes sur la terre, il faut qu'il y ait de l'inconscient. Il faut qu'il y ait de la souffrance de l'âme, il faut qu'il y ait du karma, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il y aura toujours des hommes inconscients sur la terre, et de ces hommes-là, naîtront des hommes conscients qui ne reviendront plus sur la terre, parce qu'ils passeront à la conscience moronciale, ils ne reviendront plus jamais en conscience astrale pour l'incarnation. Donc, mais des hommes conscients qui rencontreront des hommes conscients sur la terre,

Ben, je veux dire, je suis pas mal normal, hein? Oh, oui, bon, bien, normal. Et, si je veux, je peux être très, très normal. Pas 69, 70, mais aujourd'hui, là, je peux être normal. Je peux passer bien inaperçu, si je veux. Je suis capable de contrôler ce que je dis. Je suis capable de pas dire ce que je pourrais dire. Je pourrais pouvoir apparaître niaiseux si c'était nécessaire. T'sais. Tout ça, là. Mais ça, c'est un grand contrôle, quand tu peux apparaître niaiseux pour que ça soit nécessaire. Parce que l'ego, lui, apparaître niaiseux, n'est pas intéressant, ça. Tandis que pour moi, des fois, c'est bien nécessaire. C'est important d'apparaître niaiseux. Quand tu rencontres un mathématicien, tu commences à discuter les nombres binaires avec, ben, il dit, peut-être que tu as étudié, mais ben, il est obligé de dire, mais c'est un de mes chums qui a dit ça. Fait que je fais niaiseux. Il va tout dire, c'est un de mes chums qui me dit ça. Parce que l'ego, l'ego il y a de la difficulté à comprendre que tu puisses parler de n'importe quoi si tu n'as pas fait des études dans n'importe quoi. Sauf que vous allez sentir, si la personne devant vous a besoin de savoir que vous ne savez pas, vous l'avez pas appris, vous allez sentir, Non, tu ne perds pas de contact. Quand tu rencontres des étrangers, tu ne perds pas de contact. Si tu veux rencontrer du monde dans la vie, il ne faut pas que tu perds de contact. Moi, je suis une personne qui est restée par recevoir, qu'elle arrive devant moi, parce que je me sens ouvert à elle, et que je la connais pas. Ouais, mais si tu fais une liste de Montréal, t'es mieux de pas dire t'es un contact. Ce que je veux dire, c'est par rapport à quelqu'un qui est devant moi. Votre cas, c'est votre cas, le mien, c'est le mien. Mais moi, en général, il faut que je fasse attention. Plus je fais mon niaiseux, mieux c'est. Je peux prendre du temps, hein. Je peux être niaiseux un petit peu, puis dans la semaine prochaine, être un petit peu moins niaiseux. Il m'arrive de chercher avec le temps. Mais au début, je fais mon niaiseux. Puis j'aime ça faire mon niaiseux, c'est un camouflage, c'est le fun. J'aime ça être niaiseux. C'est le fun. Parce que c'est trop, c'est too much, tu sais. Moi, j'ai mon médecin, là. Bon, j'ai un bon médecin. Bon, j'ai un médecin sensible, là. Puis, et quand il me donne des pilules, là, c'est moi qui fais. Je fais l'écriture automatique, puis je dis si c'est correct ou non. Il dit, ouais. Puis, il me le demande, là. Il dit, c'est qu'ils disent de ça. Il dit, ça, je peux pas prendre ça avant 3 semaines. Il dit, correct, pas correct. Mais ça, c'est un médecin intelligent. Les médecins de main, n'est pas gros. Fait que lui, avec lui, j'ai pas besoin de faire mon niaiseux. Mais dans la société en général, il faut que tu fasses ton niaiseux un petit peu. C'est un art d'être niaiseux. T'sais. Oui, monsieur? Quand vous venez avec les taux du bavoir à Théo, assez élevé, vous avez certains pouvoirs, vous développez d'autres pouvoirs, j'imagine. À un moment donné, quand ça va être moins intéressant d'en revenir dans son corps ou de vivre le côté terrestre, non? Alors, moi, j'aime bien plus le côté terrestre que tous les autres. Moi, c'est tout ce que j'aime. J'aime les femmes, j'aime manger. J'aime péter. Tout ce qui est ici, j'aime. Tout ce qui est occulte, là, un petit peu trop far out, là, c'est une job. Vous êtes pas à l'aise. Mais c'est pas que je suis pas à l'aise, c'est que la vie est ici. La vie est là. Je vous ai rencontré au restaurant une fois, là, c'est la première fois qu'on se voyait dans la vie. J'ai eu du plaisir avec vous. Puis savez-vous pourquoi est-ce que j'ai eu du plaisir avec vous? J'ai eu du plaisir avec vous, c'est parce que je me sentais pas bien, je pouvais pas rester trop longtemps. Mais c'est parce que vous aviez un bel ego. C'est la seule raison. Vous aviez un bel ego. Fait que si vous avez un bel ego, je rencontre des gens qui ont un bel ego dans le monde, à ce moment-là, j'ouvre. Mais sans ça, ben, je ne suis pas intéressé à parler avec le monde. Fait que, un bel ego, pour moi, c'est un ego où tu ne sens pas d'orgueil, trop d'orgueil. Pas se prendre trop au sérieux. C'est ça. Puis il y en a du monde qui ont des beaux égos. Merveilleux, des beaux égos. Puis des fois, j'étais en France l'an passé, là, j'ai rencontré un grand philosophe français, là, un bel ego. Un philosophe français avec un bel ego, là, il faut le faire. C'est pas peu dire. Puis, bel ego. Bel ego. Même quand on s'est séparés, là, j'avais des larmes. Parce que je pouvais pas parler avec lui trop longtemps, là, parce que je voulais pas crier en cause. Mais il y a du beau monde, maintenant. Puis il n'y a pas besoin d'être conscient. Oubliez ça, la fin de conscience. Il y a des gens très évolués dans le monde. Ceux-là, souvent, sont seuls. Ils n'ont pas des référents absolus. Ils n'ont pas, une parfaite identité encore. Mais il y a de la lumière qui passe à travers. Là. C'est extraordinaire, ces gens-là. Des fois, je peux être dans un restaurant, puis j'en spotte un, je vais le voir, puis je parle. On va m'asseoir avec. Je parle. Bon, il dit, bon. Puis plus vous allez avoir une conscience vibratoire, plus vous allez détecter ces gens-là. Ils sont là, ça se sent. Autant vous allez sentir qu'est-ce que c'est un bel ego, autant vous allez savoir qu'est-ce que c'est un ego là, qui est réellement obscur, qui n'a pas de lumière dedans. Là. Vous ne voudrez rien avoir à faire avec ces gens-là. Une perte de temps, une perte d'énergie. Mais les gens qui ont un bel ego, parce qu'une fois que l'homme va développer un taux vibratoire suffisamment élevé au niveau du mental, c'est comme s'il devient j'aime pas le mot voyant, c'est pas qu'il devient voyant, mais c'est comme si son ego bloque pas son énergie. C'était intéressant quand la façon qu'on s'est rencontrés. Lui était au comptoir du restaurant, il était à praler un livre. Puis moi j'étais à côté, j'étais pour commander. Je l'ai vu lire un livre, puis j'ai demandé s'il était intéressant son livre. Comme ça, il est allé s'asseoir, puis en passant, j'ai continué la conversation, puis ça, je suis allé m'asseoir, puis ça, je suis revenu, puis j'ai suggéré un livre que j'étais en train de lire. Fait que la conscience, quand elle est vibrante, autrement dit, quand elle est transparente, puis tu n'es pas dans ton ego, elle fait des choses, elle fait des liens, elle fait des connexions avec les gens, puis c'est ça, il est là le plaisir de la vie. Sans ça, je ne l'aurais pas rencontré. Ou probablement, je t'aurais rencontré indépendamment à cause de lui, mais je ne t'avais pas rencontré direct. Tandis que là, je t'ai rencontré moi puis lui. Après ça, j'ai su que c'était un ami de l'autre. Fait qu'il a dit, c'est bien, bien fluide, c'est très présent, mais si tu n'as pas de taux vibratoire suffisamment élevé, tu ne réponds pas à cette énergie-là. C'est pour ça que souvent, il y a des gens dans le monde qui sont autour de nous autres, puis on ne les voit pas, parce qu'on n'a pas le taux de vibration. Il n'y a pas de raison que les gens vivent la solitude, trop de solitude. C'est pas bon de la solitude. Il faut que l'homme soit en contact avec les âmes, selon son énergie, selon ses besoins, ainsi de suite. Mais on devrait être capable de connecter avec le monde parce qu'il y a des gens merveilleux autour de nous autres. Mais on ne les voit pas parce qu'on n'a pas le taux vibratoire. L'ego est trop opaque. On a des craintes. On est ici, on a des gènes, on a ça. C'est normal. Mais avec le développement de ce taux vibratoire-là, l'homme va devenir très, très. Très réceptif et il va répondre à la vibration des autres. Puis l'homme conscient sera plus seul. Tu peux pas être seul quand tu es conscient. Puis même si c'est le contraire, là, tu es obligé de t'enfermer là, parce qu'il y a trop de monde. Il est obligé de contrôler ce que tu as à dire. Moi, j'ai eu des expériences. Des expériences fatigantes dans un sens à cause de cette voyance-là, cette présence-là. Ils sont toujours là dans tes culottes. Là, ils sont toujours là. Puis c'est long d'apprendre à le contrôler, ça. Puis je me rappelle d'être en avion, là, puis tu sais, me retourner de bord, puis je suis après écrire un livre, puis le type vient voir, puis il me dit, comment ça fait que vous écrivez, puis vous regardez tout partout de même quand vous écrivez. Puis là, j'ai dit au type, « Hi, George! » Là, je connaissais sa vie, je connaissais tout. Il ne m'a pas lâché tant que je ne suis pas arrivé à Toronto. Tu fatiguais. Fait que c'est là que j'ai pris des décisions. Je vais-tu affarmer ma crise de gueule? Fait qu'à ce temps-là, je la ferme, ma gueule. Je ne parle pas. Je fais mon niaiseux. J'aime ça, le niaiseux. Merveille. Ça fascine le monde, mais ça te fatigue, toi. Tu es toujours sur la job. C'est normal que le monde y trouve ça. T'sais, comment ça se fait qu'il me connaît, lui? Comment ça se fait que j'ai deux enfants et que je travaille dans l'électronique? Fait que le gars, il te suit ce que Toronto comme une crotte. Comme ça, j'arrive à Toronto, là, il y en a un autre que je connais qui arrive de la Chine. Là, je suis pogné jusqu'à Montréal. Fait que j'ai pas écrit. T'sais. Fait que je l'ai pogné mal à ça. Fait que je leur ai dit à eux autres en haut, j'ai dit, je ferme ma gueule à elle. Ils ont dit ça. Apprends, ferme ta gueule. Le taux vibratoire de la conscience, c'est le développement. Vous pouvez appeler ça le facteur psy chez l'homme, là, mais en réalité, c'est le développement de son système nerveux.

Fait que, il m'a tout décomposé la prière. Puis quand je suis arrivé à Amen, il dit, c'est fini. Fait qu'il m'a tout décomposé notre Père qui est aux cieux. Puis c'était, j'ai tellement ri, je me rappelle, j'ai tellement ri que parce que ça me donnait un choc. Fait que quand tu parles avec eux autres, fait que j'ai dit, tu peux pas prier, on peut pas prier. Il dit, non, il dit, tu parles comme du monde. J'ai tout compris. Tu comprends vite? Il dit, tu parles comme du monde. Fait qu'à travers l'expérience de la décomposition du travail qui est aux cieux, comme je vous l'ai expliqué, tout à l'heure, puisqu'il y a d'autres parties là-dedans, donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien, et lave-toi pas, tu vas manger, et tout ça. Fait que j'ai tout compris la prière, j'ai compris l'illusion spirituelle de la prière, puis après ça, ça a été fini, j'ai jamais prié de ma vie après, tu sais. Oui? Oui? C'est juste que des fois, tu dis, je parle avec eux autres. Normalement, tu as toujours juste ton agiteur. Ouais, je dis tout. Mais ouais. Tu sais pas si c'est il ou eux ou. Ouais, ouais. Ouais. Pourquoi tu dis ça? Mais je sais pas. Je sais pas. Et, parce qu'ils sont. Il y a une gang au bord, je suppose. Je dis elle. Quand je vais être plus spécifique, je dis il. Il dit que. Moi, ma question est. Le plan de la société, mettons, ils sont dans deux. Imagine, moi, je m'imagine qu'ils sont dans une salle comme nous autres. Même le mot esprit, sympathique, oui. Tu sais, comme quand on a le temps de penser, ils sont dans une salle comme ils sont, ils sont une gang. Puis ils font l'inverse. Moi-même, gars, m'inverse. Ouais. Pour que lui, parle avec toi, puis donne les réponses que tu donnes, mettons, ouais. Mais est-ce que eux, ils souffrent autant? Non. Dans la communication avec toi, que pour toi avec eux? Il dit, on ne souffre pas, mais il dit, on est bien loin de vous autres dans le temps. Pis c'est ça, là. Si tu voudrais équilibrer une souffrance pour eux autres, c'est loin de nous autres. Nous autres, on est leur création. L'âme a été créée. L'âme est créée par la justeur de pensée. L'âme de l'homme, notre âme, c'est créé par un ajusteur de pensée. Fait que pour eux autres, fait que l'âme s'incarne, comme on sait, puis ils ont hâte que de reconnecter avec. Ils ont hâte de reconnecter. Fait que pour eux autres, le temps, ça peut être long, ça peut être des milliers, puis des milliers, puis des milliers d'années. Fait que. Puis où pour eux autres, c'est pas de la souffrance, mais c'est comme un échec. Parce qu'il y a des niveaux là-dedans. Il y a des ajusteurs de pensée qui sont bien, bien expérimentés avec l'âme. Puis il y en a d'autres qui ont moins d'expérience avec l'âme. C'est comme n'importe quoi. Puis, quand quelqu'un se suicide, pour eux autres, c'est un gros échec. C'est pas le suicide, c'est une possession de l'astral sur l'ego d'une personne, mais l'ajusteur de pensée ne peut pas l'empêcher. Pour eux autres, c'est une grosse, tout ce qui se suicide sur la Terre, pour eux autres, c'est un gros échec. Parce que là, le gars, il faut qu'il retourne l'autre bord, il faut que ça recommence, puis c'est un échec pour eux autres. Apparemment, c'est un de leurs plus grands échecs, le suicide humain. C'est pour ça que l'Église catholique avait raison quand elle disait, par exemple, dans ses mots, que le suicide, c'est un péché mortel. Tu n'as pas le droit de te suicider. Tu peux te suicider, mais tu n'as pas le droit de te suicider. Parce que quand tu te suicides, une personne qui se suicide est toujours astralisée. Un ego ne peut pas se suicider tout seul. C'est une possession de suicide. Un ego ne se suicide pas tout seul. Il est amené au suicide par une entité astrale. Fait que pour eux autres, c'est un grand échec parce que le but, premièrement, de l'ajusteur de pensée, c'est d'éventuellement, au cours de l'évolution, faire un contact direct avec l'homme. Mais pendant l'évolution, l'évolution des âmes, il y a des entités astrales qui bloquent ça. Là. Fait que c'est pour ça qu'on est dans l'ego, nous autres. On n'a pas de contact direct avec la source. Fait qu'on a toujours des entités spirituelles. On a des entités spirituelles, on a des guides spirituels qui nous aident. Mais c'est pas assez sur un guide spirituel. Parce qu'un guide spirituel, c'est comme un homme comme nous autres, mais qui est désincarné. Fait que ce qu'on a besoin pour retourner de l'évolution à l'évolution, c'est d'être en contact avec le plan mental. À ce moment-là, tout ce qui est astral n'existe plus, puis l'homme est libre. Fait que si, excusez-moi, si l'homme a la tendance à se suicider, pour quelque raison que ce soit, tuer un choc, whatever, à ce moment-là, pour eux autres, c'est un grand recommencement, puis c'est un échec. Oui, madame? Est-ce que la conscience, dans le fond, est rattachée directement à la Ah, ben c'est sûr. C'est sûr. Dans le fond, tout le temps. 24 heures par jour. Jusqu'à temps que tu connaisses la game. Quand tu connais la game, ça s'ajuste, ça s'ajuste, ça s'ajuste. C'est sûr. Ah, ben c'est sûr, mais au moins tu le sais. C'est quand tu te fais charrier par eux autres, ben tu le sais que c'est eux autres. Et quand tu te fais charrier, là, puis tu connais pas la source de ça, là. Ben, si vous souffrez d'une pensée en sachant que c'est l'astral, c'est parce que vous ne savez pas assez que c'est l'astral. Si vous saviez réellement que c'est l'astral, vous ne souffririez pas de la pensée. C'est parce que vous ne savez pas réellement. Vous le savez intellectuellement, vous le savez philosophiquement, ésotériquement, mais vous ne le savez pas dans le sens là que vous ne réalisez pas que c'est une illusion. Donc, le savoir n'est pas intégré. Le savoir n'est pas intégré. Ça fait quoi, qu'est-ce qui permet l'intégration? Ce qui permet l'intégration, c'est l'expérience. L'expérience de tout. C'est le temps. C'est du temps. Expérience égale souffrance, effectivement, parce qu'on est dans un. On est dans un processus. Moi, ce que je sais aujourd'hui, c'est bien, bien évident, mais c'était pas évident à 79, 70, 71, 72, 74. Pardon? Ah, ben c'est sûr. Non, c'est sûr. Expérience, mais c'est du temps. C'est du processus. On peut pas faire autrement. Oui? Dans les années 60, vous avez pensé ou pris la complètement accéléré et marcher à l'envers de tout le monde. Quand j'ai vécu à fusion sur un œuf, ils m'ont mis à l'envers tout de suite. Mais j'ai chaviré, mais je savais que j'étais pas fou. Je savais que j'étais chaviré, mais je savais que j'étais pas fou. C'est que c'était drôle l'affaire. C'est comme je me rappelle, j'avais dit à ma blonde au Nouveau-Mexique, j'expérimente quelque chose là. J'ai dit, I'll never be the same again. Moi, j'ai dit, I'm not crazy. Puis, avec le temps, j'ai réalisé que, effectivement, je n'étais pas crazy. Mais, c'était difficile. Parce que j'étais tout seul, moi, là. Je ne pouvais pas aller dans Montréal et dire, qu'est-ce que moi, on sort? Vous pouvez parler des circonstances de cet événement-là? Non. Ben, je continue ma conférence. Ça marche comme ça. Le plan, là. Regarde ce qu'ils me disent de vous. Écoutez bien ça. Du plan, il est comique. Il est sensible. C'est un placoteux. Il se casse la tête pour rien. Il est-tu énervé? Avec le temps, il va se calmer. Il va être bien. Continue la conférence. Oui. Est-ce qu'on peut raccourcir le processus de conscientisation? Ah, c'est une bonne question. Ça, c'est une bonne question. Ça, c'est une très bonne question. Il dit, si vous savez écouter ceux qui vous expérimentent dans votre expérience, si vous savez écouter ceux qui vous expérimentent dans votre expérience, parce qu'ils disent, on n'est pas capable d'être intelligent seul. Donc, ça peut être les gens qui nous entourent. Les gens qui vous entourent. Fait que si ta femme a dit, t'as une tête de cochon, Jean-Paul, parle pas de vous, là. Elle dit, t'as une tête de cochon, Jean-Paul, il y a quelque chose. Fait que les gens autour de vous, c'est vos meilleurs amis, si ce sont des gens intelligents, Parce qu'ils vont, vous expérimenter dans votre processus. Ils vont dire, bah, tu te prends trop au sérieux, là. Oublie ça, Bernard de Montréal. Tu vis avec moi, tu vis pas avec Bernard de Montréal. Qui mange la marde, Bernard de Montréal. T'sais? Non, fier Bernard de Montréal. Donc, ça fait ça avec les gens qu'on est pris avec. Pardon? Ça fait avec des gens qu'on est pris avec, dans le sens, pour vivre un certain instant. Ah, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être n'importe quoi. Il y a des gens avec lesquels vous êtes, parce qu'il y a un karma là, puis ça sert d'expérience. Pas dans le travail. N'importe quoi. Tout ça. On peut se reculer? Non. Non, mais il dit, vous pouvez arrêter ça. Il dit, vous pouvez arrêter ça. Vous pouvez reculer parce que vous savez, vous allez savoir trop de choses. Mais ça peut arrêter sec. Vous pouvez arrêter sec. C'est comme si il y a des gens qui peuvent aller jusqu'à un certain point, dans d'autres peuvent aller plus loin. Oui? Quand on est dans l'eau, vous avez dit que certains esprits qu'on pouvait leur donner un coup, un choc. Puis qu'on dépendait d'eux après. C'est responsable. Oui, qu'on était responsable. On a une certaine responsabilité par rapport à l'homme. Moi, j'ai une plus grande responsabilité par rapport à l'homme que vous autres, parce que moi, je peux rien changer le monde. Mais quand on est en contact avec les êtres, avec le monde, les gens, faut qu'on soit réellement bien intentionné, puis il faut être suffisamment transparent. Sans ça, on peut facilement tomber dans des games de domination. C'est très, très facile de dominer l'autre, parce que quand on commence à prendre conscience, puis que le tout vibratoire se développe, on commence à savoir des choses, on commence à avoir une préconscience, puis cette énergie-là, elle descend dans le canal. Puis on se prend là pour des petits maîtres, là. On se prend comme si on sait tout. Puis c'est nous autres qui sait l'affaire. Puis on sait des choses que toi tu sais pas. Puis c'est là qu'on devient dominateur. Fait qu'il faut faire attention à ça, puis faut la contrôler, cette énergie-là. C'est pour ça que c'est le développement de la transparence, c'est essentiel chez l'homme. Puis ce qui va arriver, c'est que si vous êtes trop dominateur dans votre vibration, les gens qui ont une certaine sensibilité et une certaine identité, ils vont vous crisser là. Les gens, vous allez rencontrer des gens qui ont une certaine conscience, ils vont vous mettre de côté parce que les gens vont dire, bon, mais c'est assez, là, j'ai pas besoin de ça. Là. Mais l'expérience de cette énergie-là, ça fait partie du processus de conscientisation. Puis vous allez le voir quand vous prenez au sérieux. Mais ça, c'est l'ego qui fait de la réflexion. C'est encore l'ego qui veut avoir une mesure de vérité. On est réellement mal bâti. On est des êtres de l'involution. On est des êtres de réflexion. On est des êtres qui pensaient. Fait qu'on a beaucoup de chemin à faire pour en arriver à avoir un canal suffisamment transmuté pour que ce qui sort devienne totalement transparent et que l'homme, dans son rapport avec nous, ne sente pas d'agression, ne sente pas de domination. Parce que le principe de domination sur la Terre, c'est le grand principe de l'évolution puis de la civilisation évolutive. C'est à la source de toute la souffrance de l'homme, que ce soit des religions, des idéologies, ainsi de suite. C'est pour ça que dans l'évolution de la conscience supramentale sur la Terre, la domination sera totalement abolie de la conscience de l'ego.